pas de sens. Je ne garde aucune rancœur et j'avance. Parce que tout ça est resté gravé dans mon cœur. Et même si ce son n'a pas de sens. Parce que certains de mes potes m'ont laissé tomber. Il a fallu que je continue seul la route. Je seul savais ce que l'avenir me réservait. Parce que le ghetto m'a transpercé. La zernie m'a touché depuis la naissance. J'ai l'envie de percer et rien ne pourra m'empêcher d'avancer. Parce qu'avec Diaz, on refaisait toujours les mêmes conneries. Alors que la veille, j'avais promis à la daronne que j'arrêtais de déconner. Parce que je suis quelqu'un de solitaire. Enlève-moi le rap et là peut-être que je pourrais me taire. Parce que dans la galère, on était tous solidaires. Parvez c'est nous, on est là pour vous. Wenka, nos cités à nous, alors écoutez-nous. C'est ce monstre qui vient du centre de Mayotte. C'est à dire Wenka, là le rap fait le mélange. Parce que tout ça est resté gravé dans mon cœur. Et même si ce son n'a pas de sens, je garde aucune rancœur et j'avance. Parce que tout ça est resté gravé dans mon cœur. Et même si ce son n'a pas de sens, je garde aucune rancœur et j'avance.